السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نصوم إن شاء الله صامدي 6 صفر 1428 للهجرة استاذير صامدي 24 فيفري 2007 بإذن عز وجل. نصوم توجور افيك العقيدة الواسطية Nous allons juste réviser un peu, ensuite avancer, bi'iznillahi azza wa jal. Nous avions dit que Cheikh l'Islam avait dit « Fala udula li ahli sunna wal jama'a amma ja'a bihi al-mursaloun »« Amma ja'a bihi al-mursaloun »« Fa innahu siratu al-mustaqim »« Siratu al-lazina an'ama Allahu alayhim min al-nabiyyin »« Al-siddiqina wa shuhada'i wa salihin » Ben Tahashmi, si tu changes de couleur, Barakallahu, change la couleur. Je répète, فَلَا عُدُولَ لِأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَعَةِ عَمَّا جَاءَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ فَإِنَّهُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. C'est-à-dire que les gens de la tradition et du consensus ne s'écartent pas du message apporté par les envoyés. Car ce message représente la voie rectiligne, sirat al-mustaqim. Celle des gens qu'Allah Azza wa Jal a gratifiés, tels les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Non. Quand j'avais expliqué la fois passée, j'avais dit que nous tous, on devait beaucoup remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir envoyé les prophètes. Or, les gens de la tradition du consensus, ce sont les gens qui suivent le plus les prophètes alayhim salatu wassalam. Non. Nous, on devait beaucoup remercier Allah, car sans les prophètes, on se serait vraiment égaré. Même avec le Coran, sans le prophète, tu es égaré. Pourquoi? Parce que tu vas interpréter le Coran comme tu veux. Ou bien tu vas l'interpréter d'après des règles et d'après des bases de sectes égarées. Et comme ça, on va être égaré. Et quand il y a la sunna, il y a ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car personne ne connaît Allah comme le connaît son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et personne ne nous veut du bien comme nous veut le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et personne ne comprend le Coran comme le comprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en général, on doit tous beaucoup remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir envoyé les prophètes, et en particulier, remercier beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala, remercier beaucoup Allah azza wa jal d'avoir envoyé Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Ensuite, on avait dit que, de ce qu'on avait dit aussi, on avait dit que on doit non seulement suivre notre prophète alayhi wa sallam, mais suivre tous les autres prophètes en ce qui concerne la aqida. Les prophètes et les messagers, quand ils viennent, ils rapportent avec eux la aqida, le dogme, et ils rapportent la sharia. On parle maintenant de la aqida. Tous les prophètes ont la même aqida. Tous les prophètes, tous les messagers sont venus pour dire qu'il n'y a de divinité qui ne mérite l'adoration que Allah Azza wa Jal. Naam. On m'a arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. La mission de tous les messagers, c'est de montrer aux gens et de leur dire qu'il ne faut adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que toutes les autres divinités sont nulles et non avenues. Et qu'il faut s'en éloigner d'elles, sinon c'est la fournaise et c'est Jahannam ou l'ayyadu billah. Donc tous les prophètes, on doit nous croire en eux, parce qu'ils ont, tous en fait contre-amené la même chose. Et dans la charia, dans la législation, on va voir quelle est la différence. Je disais, par exemple, lorsque Moussa alayhi salam a dit, ça c'est la révision, lorsque Pharaon a dit, فَمَا بَلُوا قُرُونِ الْأُولَى. Alors qu'en est-il des siècles qui sont passés? Moussa alayhi salam a répondu, قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّ فِي كِتَابِ. Sa science se trouve chez Allah subhanahu wa ta'ala dans un livre. La yadidlu rabbi wala insa. Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie jamais, il ne se trompe pas aussi, il ne se trompe jamais, il n'oublie jamais. Et lorsque il a répondu aussi à Pharaon, il lui a dit, lorsque Pharaon a posé la question, qala faman rabbukuma ya Musa, c'est qui votre Dieu, ya Musa, c'est-à-dire toi et Haroun. Il a dit, qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Notre Dieu, c'est celui qui a donné à toute chose sa créature, et il l'a guidé. On avait parlé, je me souviens, que on avait parlé comment Allah subhanahu wa ta'ala a guidé ses créatures. Et du bébé, comment se fait-il que lorsqu'il sort directement de son ventre, il cherche directement à téter la poitrine de sa mère. Comment qu'il sait s'il n'a pas été guidé par Allah subhanahu wa ta'ala? On avait parlé de certains animaux, on avait parlé du chien, on avait parlé du pigeon. On avait parlé du singe. On avait dit les deux hadiths sahih qui sont dans le... qui parlent du singe, celui du Bukhari, où il est dit que un singe avait fait la zina avec une guenon, et que les singes ont attrapé celui qui a fait la zina, ensuite elle, la guenon, et ils leur ont creusé un trou et ils les ont lapidés jusqu'à la mort. Et le hadith et dans le Bukhari, subhanallah al-adhim, des singes qui savent que la zina c'est haram et qui lapident des animaux. Et des animaux qui n'ont ni halal ni haram ont été lapidés à cause de quoi? À cause de la zina. Qu'en est-il pour les hommes et les femmes? On avait parlé de l'homme qui vendait du vin et y ajoutait de l'eau. Lorsqu'il a rempli un sac d'argent, il a acheté un singe et il a pris sa barque pour revenir vers son pays. Quand il est arrivé au milieu de la mer, le singe a pris le sac d'or, c'était des pièces d'or, et est monté en haut sur le mât, en haut il y a le voile. Il a ouvert le sac, il a commencé à jeter de l'argent. Il jetait l'or. Il jetait une pièce dans la mer, une pièce dans la barque, une pièce dans la mer, une pièce dans la barque. Ibn al-Qayyim al-Rahmatullah a dit, c'est comme si le singe voulait dire, l'argent de l'eau que tu as ajouté au vin, va partir à l'eau. Et l'argent, ton halal, je vais te le jeter dans ta barque. Naam. Le haram va avec le haram, l'eau avec l'eau, et le halal que tu vendais, c'était halal autrefois, le khamr, je t'envoie dans la barque. Donc un singe, il fait comme ça, ce n'est pas possible qu'il fasse cette chose de lui-même, si ce n'est pas la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on va dire Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Lakin yajibu at-tanbih ila anna ma nusiba lil anbiya as-sabiqin yuhtaju fihi ila sihhati an-naql, lihtimali an yakuna kadiban kalladhi nusiba ila ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa awla. Il a dit bon, mais maintenant, quand on va se baser sur quelque chose qui est venu d'un autre prophète que notre prophète, il a dit là, il faudrait une remarque très très importante. C'est quoi? C'est que ce qu'on rapporte de l'autre messager, c'est qu'il soit vrai. Naam, c'est qu'il soit vrai. Car il se peut que ça soit un mensonge. Car, comme vous devez savoir, il est impossible que quelqu'un, par exemple, de notre temps, nous parle, par exemple, de Adam alayhi salam ou de Nuh ou de Ibrahim, c'est impossible que quelqu'un puisse nous raconter. Où l'a-t-il rencontré? Il y a des milliers d'années, où l'a-t-il rencontré? Donc, il faut que nous ayons quelque chose de sûr que cette chose vraiment l'a faite ou l'a dite Ibrahim ou la Moussa ou la Isa, etc. Et cela, on ne peut le connaître que de par deux choses. Ou bien par le Coran, ou bien par le Hadith, s'il est sahih. Non. Ou bien par le Coran, ou bien par le Hadith, s'il est sahih. Je donne un exemple très simple. Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, que les chrétiens appellent Jésus. Isa alayhi salam a vu quelqu'un en train de prendre de l'argent. Il lui a dit, tu voles, et tu prends de l'argent, tu voles. L'autre a dit, Wallah al-Azim, que je ne vole pas. Wallah al-Azim, je ne vole pas, je ne suis pas en train de voler. Isa alayhi salam a dit, Amantu billah wa kadhaftu ayniya. J'ai cru en Allah et je démens mes yeux. Mes yeux ont menti. Cette chose, cette histoire s'est passée avec qui? Avec Isa alayhi salam et une certaine personne. Est-ce que quelqu'un pouvait savoir cette histoire, cette petite histoire banale, mais qui comprend beaucoup davantage bien sûr. Est-ce que quelqu'un pouvait connaître une histoire pareille si ce n'est pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rapporté d'une façon véridique? C'est impossible. Comment savoir ce qui s'est passé au temps de Isa? Mais Allah subhanahu wa ta'ala apprend son prophète des choses pareilles. Il lui apprend des choses pareilles sur les messagers qui étaient avant lui. Il lui a parlé de Nuh alayhi salam, de sa vie dans le Coran. Il a parlé d'Ibrahim. Il lui a parlé de Ibrahim, comment que il est venu une fois voir son fils. Ensuite, il lui a dit que ta femme ne plaît pas. Il a divorcé. Bon, il a pas dit ta femme, il a dit le pas de porte. Le pas de porte, dis-lui qu'il change le pas de porte, ça veut dire qu'il change d'épouse. El Mouhim, ces choses-là, il y a le hadith sahih et le Coran. Sinon, on ne peut pas croire. Il nous est interdit de croire en des choses pareilles. Nous, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des hadiths sur lui, beaucoup, beaucoup de hadiths, des milliers, qui ont été fabriqués et forgés. Dans notre prophète, alayhi wa sallam, ça ne fait pas très longtemps qu'il est mort par rapport à Adam et à Nuh. Et on a fabriqué sur lui des milliers de hadiths qui ne sont pas vrais. Non. Alors qu'en est-il des autres prophètes qui étaient avec lui? En ce qui concerne, donc, dans la Aqida, on doit croire tous les autres prophètes. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith sahih de Bukhari, il a dit, nous les prophètes, nous avons un même père et beaucoup et des mères différentes. Subhanallah, il a dit, nous sommes comme ça. Naam, un même père et des mères différentes. Mais c'est toujours le même père. Ça veut dire que la aqida est toujours la même. Mais la sharia, la législation, diffère d'un prophète à un autre. Ici, Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yarhamou, a dit, والأحكام التي للرسل السابقين اختلف فيها العلماء أو اختلف فيها العلماء هل هي أحكام لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافها أم ليست أحكام لنا. Maintenant le premier point, on a terminé avec le premier point. C'est quoi le premier point? C'est que tous les prophètes, on doit les croire, tous les messagers, on doit les croire en ce qui concerne la aqida. On doit les suivre aussi, non pas les croire, mais les suivre aussi. En ce qui concerne la aqida, parce que la aqida n'a jamais changé. C'est tout le temps, il ne faut adorer, et nul ne mérite l'adoration que Allah Azza wa Jalla. Maintenant, on parle du deuxième point, la législation, sharia. Ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est makruh, ça c'est illicite, ça c'est que ceci. Est-ce qu'on doit suivre les autres prophètes dans leur législation, ou bien on ne les suit pas? Cheikh Lahmou, il a dit, والصحيح أنها أحكام لنا. Il a dit, le plus juste, c'est que la sharia, la législation des autres messagers, est aussi une législation pour nous. Ça veut dire qu'on doit la suivre. Bien sûr, ça mérite une grande recherche dans ce qu'on appelle usul al-fiqh. Ça se cherche dans usul al-fiqh. Mais comme vous savez que Cheikh Ibn Uthaymeen Rahmou était, yani, masha'Allah, dans l'aqida aussi, dans usul al-fiqh. Et dans toutes les autres sciences, donc il voit que la vie le plus juste, c'est que même même dans la charia, on doit suivre les autres prophètes aussi. Il a donné des exemples. Il a dit, sauf, je répète, on doit suivre les autres messagers aussi, même dans la charia, sauf, il a dit, dans un cas, sauf, si notre Coran et notre Sunna comportent la charia du messager précédent. Naam, ça veut dire en général. Toute chose, toute charia qui a été chez un messager avant le prophète alayhi salatu wasalam, avant Muhammad sallallahu alayhi wasallam, on doit la suivre. Sauf s'il y a quelque chose dans notre charia qui la contredit. Naam. Sauf s'il y a quelque chose dans notre charia qui la contredit. Il a donné un exemple. Il parlait de Yusuf alayhi salam. Il parlait de Yusuf alayhi salam. Qui? Vous savez que Yusuf alayhi salam, quand ses parents l'ont rencontré, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont prosternés. Allah Ta'ala dit dans le Coran, et il éleva Yusuf, il éleva ses parents sur le trône, et tous tombèrent devant lui prosternés. Sauf Yusuf, ma'am. ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا. Et il éleva ses parents sur le trône, ma'am, le grand lit, le trône, et tous tombèrent devant lui prosternés. Et ses parents se prosternèrent à Yusuf alayhi salam. Maintenant, on a dit la règle, c'est quoi? La règle, c'est que la charia, la législation des autres prophètes, des autres messagers, est une législation pour nous. Voilà donc, ici, voilà une nouvelle législation chez Yusuf alayhi salam, que on se prosternait aux gens. Ses parents se sont prosternés à Yusuf. Est-ce que nous est-il possible, si on rencontre quelqu'un, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, on se prosterne pour lui, se basant sur la règle que Cheikh Ibn Uthaymeen a cité l'Ahmou, on ne peut pas, c'est interdit. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen l'Ahmou, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, la législation de tous les messagers précédents est une législation pour nous, à condition qu'elle ne soit pas contrariée dans le Coran ou la Sunna. Alors que nous, dans la Sunna, vous connaissez le hadith où un compagnon Jalil, Mu'adh, radiallahu ta'ala anhu, il était Hisham, je crois, en Syrie. Lorsqu'il est revenu, il a rencontré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est directement prosterné. Que lui a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Yahada. Il lui a dit, mahada. C'est quoi ça? Il lui a dit, ya Rasulallah, j'ai vu les prêtres et les curés, etc. Les gens leur faisaient ainsi. Les gens se prosternaient aux curés, aux prêtres, etc. Alors qu'ils sont dans le faux. Je me suis dit, toi, tu es, par primauté, on doit se prosterner à toi. Le prophète Islam m'a dit, ne fais pas cela. La taf'al. Lo kuntu amiran ahad an yasjuda li ahad, la amartu al mar'ata wa zawjata an tasjuda li zawjiha. Ne fais pas cela. Si je devais dire à quelqu'un de se prosterner à une autre personne, je dirais à l'épouse de se prosterner à son époux. Si je le disais. Là. Donc c'est interdit dans notre sharia de se prosterner à quelqu'un. Mais dans la sharia de Yusuf alayhi salam, c'était permis. Autre chose, par exemple, qui a changé, des choses qui ont changé, par exemple. Allah Ta'ala, lorsqu'il a parlé des juifs, dans le sourate Al-An'am, verset 146, il a parlé des juifs, il a dit, وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ. Aux juifs, nous avons interdit toute bête à ongle unique. Est-ce que ça c'est au temps de Moussa alayhi salam, est-ce qu'en notre temps, est-ce que la bête à ongle unique, comme par exemple le chameau, est-ce qu'il est interdit? Il n'est pas interdit, on peut le manger. Non? Donc, la sharia des messagers qui sont avant nous est une sharia chez nous, sauf s'il y a contradiction dans le Coran, dans la Sunna. Et la Sunna a montré que on peut manger la viande du chameau à condition de refaire les ablutions. C'est tout. Quelqu'un mange la viande du chameau, il doit refaire les ablutions. On ne peut pas faire la salat après avoir mangé la viande du chameau. Et quelle est la preuve que la législation, la sharia des autres messagers est une sharia, est une législation pour nous, si elle n'est pas contrariée par le Coran et la Sunna? Quelle est la preuve? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, a dit, يعني من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. Il a dit, si quelqu'un dort et ou bien oublie une salat, qu'il la fasse lorsqu'il se réveille. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est basé sur un verset, subhanallah, sur Taha. Il s'est basé sur le verset de sur Taha, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, wa aqim salat li dhikri, et accomplit la salat pour te souvenir de moi. Wa aqim salat li dhikri, pour te souvenir de moi. Mieux encore, la meilleure traduction c'est de dire, et accomplis la salat quand tu te souviens. Ça veut dire, si tu as oublié la salat, yani, ce n'est pas un péché. Quand quelqu'un oublie, il a oublié. Alors, je peux oublier, que, yani, tout l'or du monde, je peux l'oublier. Mais à partir du moment où tu te souviens, tu es obligé d'aller faire la prière à la minute même où tu t'es rappelé. Et ne dis pas, comme disent beaucoup de gens, je ne la fais pas parce que c'est le on est vers le coucher du soleil, ou là on est au lever du soleil, ou là, tout ça, ça n'a rien à voir avec la prière obligatoire. La prière obligatoire, dès que on se souvient d'elle, ou là on se réveille, on commence par elle. Faïdan, il a dit, reste une chose, le kinib khanadar, kifa na'rifunna hada min shari'atil anbiya sabirin, reste une chose, comment on pense que cette chose, par exemple, est une chose de la législation des messagers précédents. Comment on pense? Il a dit, na'oulu la nafidalika tarikhan, on a deux voies pour savoir ceci. Tariq al-awul, le premier chemin, al-kitab, ou tariq al-thani sunnah. Comme je l'ai dit, on ne peut savoir cela que si c'est mentionné dans le Coran ou bien c'est mentionné dans un hadith sahih. C'est mentionné dans un hadith sahih. À part cela, imaginez que quelqu'un nous dise, par exemple, supposons, je donne un exemple, qu'il nous dise, par exemple, Ibrahim alayhi salam avait 10 femmes. Supposons que l'on rencontre quelqu'un, un prêtre, ou un juif, il va nous dire, Ibrahim alayhi salam avait 10 femmes, j'ai lu ça dans mon livre. Al-Bari, qu'est-ce qu'on va faire? La nous saddiqu wa la nous kadhibu. Naam. On ne dit ni c'est vrai, ni on ne dit tu as menti. On ne dit ni c'est vrai, ni tu as menti. Illa idha warada shar'una bi tasdiq ma naqala ahlu kitab fa inna nous saddiqu la li naqlihim lakin bima ja fi. Sauf si on a quelque chose dans notre Coran ou dans notre Sunna qui a dit la même chose, qui a dit que Ibrahim par exemple avait 10 femmes. Alors là, on va dire ça, il a 10 femmes, et non pas parce que c'est toi qui l'as dit, toi qui l'as lu dans ton livre, mais à cause d'eux, je l'ai trouvé dans mon livre. Voilà la différence. Non, c'est pas parce que toi tu l'as dit, il a 10 femmes, que je t'ai cru. Je t'ai cru parce que je viens de trouver, par exemple, dans un verset, dans un hadith, que Ibrahim avait 10 femmes. C'est un exemple, c'est pas vrai ça, c'est un exemple, c'est tout. Pour montrer que les gens du livre, on ne doit ni les croire, ni les démentir, ni leur dire vous mentez. Pourquoi? Parce qu'ils ont des choses qui sont vraies, beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Et beaucoup de choses qui ont été altérées ou falsifiées. Et moi, comment vais-je savoir ce qu'il a dit? Est-ce qu'il est vrai ou est-ce qu'il n'est pas vrai? Donc, je regarde mon Coran et ma Sunna. Si ça existe dans mon Coran et dans ma Sunna, je prends et je dis, je t'ai cru, ce n'est pas parce que c'est toi qui as dit ça, mais parce que ça existe dans mon livre, ça existe dans le Coran et dans la Sunna. Naam. Je disais, sinon, si ça se trouve dans notre livre que ce n'est pas vrai, dans ce cas, bien sûr, on ne doit pas les croire. Je donne un exemple. Les chrétiens disent que Jésus, le Messie, c'est le fils d'Allah. Est-ce que je vais les croire moi? Je les crois pourquoi? Parce que le Coran a dit, celui qui dit ça, non seulement est un menteur, mais c'est un kafir. Celui qui dit ça. Non seulement il ne faut pas le croire, c'est un menteur, mais c'est le plus grand menteur du monde. Il a menti sur Allah. Et aussi c'est un kafir. Par exemple, les juifs disent Ozaïr, c'est le fils d'Allah. Est-ce qu'on va les croire? On ne va pas les croire. On dit, tu es un kafir. Car Allah Ta'ala a dit, quiconque dit cette chose, c'est un kafir. Ensuite, il a dit, فَإِنَّهُ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. Cheikh l'Islam a dit, فَإِنَّهُ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ. السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ, c'est-à-dire, c'est le droit chemin. C'est le droit chemin. نعم, السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ, c'est le chemin qui est droit, un chemin qui est large et qui ne contient ni montée, pente, ni descente. Il est plat comme ça et il ne contient pas de virage. Il est tout droit. C'est un chemin tout droit. Ne contient ni pente, ni descente, ni virage, on dit de lui Sirat. On dit Sirat. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Al-An'am 153. Et voici mon chemin dans toute sa rectitude. Mon chemin dans toute sa rectitude, c'est ça Sirat. Sirat. Suivez-le. Na'am. Et Sirat, le chemin, des fois, c'est un bon chemin, des fois, c'est un mauvais chemin. Des fois, c'est un chemin qui guide au paradis, des fois, c'est un chemin, tu le suis, tu vas aller en enfer. Comme lorsque Allah Azza wa Jalla a dit, dans Sourate Safat, il a dit, « Fahdouhum ila Sirat al-Jahim. » Fahdouhum ila Sirat al-Jahim. Puis conduisez-les au chemin de la fournaise. Chemin de Jahannam. Donc, ce n'est pas tout chemin va me mener à Allah. Il y a le chemin qui va me mener à Allah, il y a le chemin qui va me mener à la fournaise à Jahannam. Et Allah subhanahu wa azzawajal a dit dans le Coran, وَهَدَيْنَهُ الْنِجْدَيْنَ. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala t'a montré les deux chemins et t'a donné tous les détails pour que tu ne te trompes pas de chemin. T'a donné tous les détails. C'est-à-dire, attention, mon chemin qui fait arriver vers moi et qui, demain tu rentreras au paradis et tu me verras au paradis et tu auras tout ce que tu voudras au paradis et tu n'iras pas en enfer, voilà comment qu'il est fait. C'est un terrain, c'est un chemin et il a donné beaucoup, beaucoup de descriptions. Il a mis à droite et à gauche, il a mis à droite et à gauche. On n'est pas arrivé, Ibn Hashim, mais on n'est pas arrivé. Il a, dans le chemin, là, il a mis à droite et à gauche des jalons, il a mis des lampes, il a tout montré. Pourquoi? Pour qu'on ne s'égare pas. Pour qu'on ne s'égare pas. Et ensuite, il a facilité le fait de prendre ce chemin. Si tu veux prendre le chemin de Allah, subhanahu wa ta'ala, tu le facilites. Tu le facilites, mashallah. Jusqu'à ce que tu arrives et tu le trouves Allah Azza wa Jalla ravi. Si quelqu'un veut prendre l'autre chemin, Allah Azza wa Jalla lui facilite aussi. Lui facilite la difficulté. Comme on l'a dit la fois passée. Il veut l'autre chemin. Et si tu veux l'autre chemin, moi je ne vais pas, Allah Ta'ala lui dit, moi je ne vais pas te forcer à ce que tu suives mon chemin. Tu as choisi le deuxième chemin sur mon chemin. Tu es libre. Choisis le deuxième chemin. Mais demain, quand tu mourras, ce sera trop tard. Ce n'est pas la peine de pleurer. Vous avez vu le hadith la fois passée où les gens, l'Yawm al-Qiyamah, vont pleurer le sang. Le prophète, alayhi sallam, a dit, si on va faire voguer des barques, on va faire voguer des barques sur leurs pleurs, les barques, vogueront. Mais ça ne sert à rien. Quand tu étais dans cette vie, tu voyais les deux chemins, et tu as choisi le mauvais. C'est comme Jibril alayhi salam, lorsqu'il a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a montré, il lui a dit, regarde, il y a l'alcool et il y a le lait. Qu'est-ce qu'il choisit? Il a choisi le lait. C'est la même chose. Tu as une bouteille devant toi pleine d'eau ou de jus, une bouteille devant toi pleine d'alcool. On te dit, choisis. Tu es libre, choisis ce que tu veux. Si tu prends l'alcool, il ne faut pas dire après, j'ai regretté, etc. Si tu meurs, c'est trop tard. Non, si on ne meurt pas, Alhamdulillah, on peut regretter et reprendre le vrai chemin. Plusieurs gens, yani, étaient sur le mauvais chemin et Alhamdulillah ont quitté le mauvais chemin. Allah les a aidés et sont venus vers le droit chemin. Mais le plus grave, c'est quoi? C'est lorsqu'on est sur le droit chemin, on s'égare, on le quitte, on va vers le mauvais chemin. Ça, il n'y a pas plus grave que cela. Il n'y a pas plus grave que connaître la vérité, être guidé, ensuite délaisser ce chemin et aller vers le faux chemin, le mauvais chemin, le chemin que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Ensuite, il a dit, Sirat al-ladina an'amta alayhim min nabiyyin aw siddiqin aw shuhada aw salihin. Ay tariquhum. Pourquoi Allah ta'ala a dit dans la sourate Fatiha, pourquoi il a dit Sirat al-ladina an'amta alayhim. Sirat al-ladina an'amta alayhim. Cheikh Islam a dit Sirat al-ladina an'ama Allahu alayhim min nabiyyin aw siddiqin aw shuhada aw salihin. C'est-à-dire, c'est le chemin. C'est le chemin des véridiques et des martyrs et des vertueux et des prophètes aussi. C'est ça le chemin. Pourquoi Allah Ta'ala, ou bien pourquoi Cheikh l'Islam a dit, yani, comment on dit là, il a ajouté le sirat, il a ajouté le chemin à ces gens-là, aux messagers, aux véridiques, aux martyrs et aux vertueux. Pourquoi il leur a ajouté cela? Parce que ces personnes-là suivent ce chemin. Je dis ma voiture parce que c'est moi qui la conduis, par exemple. C'est moi qui l'ai achetée. C'est ma voiture. C'est ma maison parce que j'y habite. Je dis c'est mon chemin parce que j'ai l'habitude de prendre ce chemin tous les jours. Donc ici, quand il a dit, c'est le chemin, Cheikh Islam a dit, c'est le chemin des messagers et des véridiques et des martyrs et des vertueux parce que ce sont eux qui suivent ce chemin. Naam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, il, subhanahu wa ta'ala, il ajoute ce chemin à lui-même. À lui-même. Comme il a dit, sur Tashura 52, il a dit, et en vérité, tu guides vers un droit chemin, le chemin d'Allah. Ici, le chemin a été ajouté à Allah, pas aux messagers aux autres. Ici, le chemin a été ajouté à Allah. Pourquoi des fois il est ajouté aux gens, et des fois il est ajouté à Allah? Il est ajouté aux gens pour dire que ce sont ceux-là les gens qui le suivent. Et il est ajouté à Allah pour dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a donné ce chemin, qui leur a montré ce chemin, qui les a guidés pour qu'ils suivent ce chemin. Ensuite, il a dit « Alladhina an'ama Allahu alayhim » C'est-à-dire ceux que Allah azza wa jalla a comblés de bienfaits. Ceux que Allah azza wa jalla a comblés de bienfaits. Et vous savez que, comme a dit Cheikh ici, il a dit « كل فضل وإحسان من الله عز وجل على عباده فهو نعمة وكل ما بين من نعمة فهو من الله » نعم. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, sourate An-Nahl 53. Dans le sourate An-Nahl, numéro 53, il a dit « Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. وما بكم من نعمة فمن الله » نعم. Les bienfaits d'Allah Azza wa Jal ne se comptent pas. C'est lui qui a dit dans le Coran, si vous essayez de compter les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne pouvez pas les compter. Non, personne ne peut compter les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, tellement il y en a. Mais ce qu'il voudrait savoir, c'est que chaque bienfait qui t'arrive, il faudrait que tu saches qu'il est venu d'Allah Azza wa Jal. Non, chaque bienfait qui t'arrive, c'est venu d'Allah Azza wa Jal. La paye, quand tu travailles, on te donne une paye à la fin du mois. Mais de la paye, elle dit, c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas voulu, jamais tu ne trouverais un travail. Ou bien, tu travaillerais, on ne te payerait pas. On te prendrait, on te mettrait en prison. On dira, tu as volé, on te mettra en prison. On ne te donnera pas la paye. Naam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala veut. Naam, chaque bienfait qui t'arrive, si tu as vraiment la foi ancrée dans le cœur, tu dois le premier à remercier, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'arrête une seconde. Salam alaykoum wa rahmatullah. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait saut. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois que il lui arrivait un bienfait, qu'est-ce qu'il disait? Il disait Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Ce doit être l'apprendre. Tu dis Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. La première des choses, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala quand on a le bienfait. Et les bienfaits, comme je disais, il y en a tellement qu'on ne peut pas les compter. Mais certaines personnes ne voient dans les bienfaits, par exemple, que l'argent. Si j'ai de l'argent, j'ai de l'or, j'ai un palais, j'ai la plus belle voiture, c'est des bienfaits. Sinon, je n'ai pas de bienfaits. Celui-là se trompe beaucoup. Non, celui-là se trompe beaucoup. Tu respires, c'est un bienfait. Tu as la bonne santé, c'est un bienfait. Tu as une maison, c'est un bienfait. Tu manges, c'est un bienfait. Tu n'es pas malade, c'est un bienfait. Tu marches, c'est un bienfait. Ni'ma. Tu vois, ni'ma. Tesma, ni'ma. Il y en a des milliers et des milliards. Na'am. Plus tu as de la foi, plus tu sens qu'il y a beaucoup de ni'ma. Plus ta foi est faible, plus tu dis, il n'y a pas de ni'ma. Il n'y a pas de ni'ma, moi je suis malheureux. Je n'ai pas de ni'ma, j'ai rien. Je mange, je dors, c'est tout. Na'am. Tu oublies les grandes ni'ma qu'il y a. La plus grande ni'ma des ni'ma, c'est quoi? Des ni'ma, c'est l'islam. Ah, c'est l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire de toi un musulman, il t'a guidé, t'a choisi parmi les autres kuffars, a fait de toi un musulman, et tu es là, mashallah, à apprendre, à vouloir te rapprocher de lui, à t'évertuer pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, à assister aux durus, à essayer de mourir musulman, ça c'est la plus grande ni'ma qu'il y a dans le monde. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dites, بِفَضْلِ اللَّهُ وَبِرَحْمَتِهِ, dites, avec le fadl, les bienfaits d'Allah et sa miséricorde, c'est de cela que vous devez être content. C'est mieux que tout ce que vous amassiez dans ce monde. Non, il n'y a pas comme iman et il n'y a pas comme islam. Quand tu vois les gens autour de toi qui ont tout et qui n'ont pas d'iman, et toi qui n'as rien et qui as l'iman, dis Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Je suis mille fois mieux qu'eux. Mille fois. Non. Moi j'ai l'iman, eux ils n'ont pas d'iman. Eux ils ont des choses qui vont se terminer un jour. Et moi j'ai une chose qui ne se termine pas. Jusqu'à ce que Allah Ta'ala, quand je le rencontre, qu'il me donnera des milliers de fois ce que je n'ai pas eu dans cette vie. Quand tu penses comme ça, ton cœur va être apaisé. Ton cœur va être apaisé, tu vas te sentir le plus heureux, tu vas te sentir le meilleur des gens, même si tu n'as rien. Naam. Je disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam remercie beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. À chaque fois qu'il y avait un bienfait, il disait, naam, éphémère ça. À chaque fois qu'il y avait un bienfait, il disait, Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Je n'oublierai pas de dire que il n'est pas interdit de remercier aussi les personnes qui ont été la cause pour le bienfait. Naam. Bien au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yashkuru Allah man lam yashkur an-nas. Il a dit quiconque ne remercie pas les gens n'ont pas remercié Allah. Comme ça a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, n'a pas remercié Allah, quiconque n'a pas remercié les gens. Naam. Quand, subhanallah al-azim, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi une personne pour qu'elle soit la cause pour que Allah ta'ala te donne ses bienfaits. Il a choisi une personne, c'est cette personne qui a été la cause, cette personne qui va te faire le bienfait. En fait, le bienfait, il est de qui? Et d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah n'avait pas voulu me donner ce bienfait, cette personne l'aurait donné. Impossible. C'est quelque chose qui a été écrit 50 000 ans avant de me créer. Allah ta'ala avait écrit sur la table que ce bienfait allait arriver aujourd'hui, allait m'arriver. Et Allah Ta'ala a choisi une certaine personne pour te le faire arriver. Cette personne, tu dois la remercier. Naam. Car le prophète alayhi salatu salam a dit, n'a pas remercié Allah, quiconque n'a pas remercié la personne, hein, ou bien les gens. Mais il y a une différence entre les deux remerciements. Je remercie cette personne avec ma langue et ma bouche, et Allah Ta'ala, je le remercie avec mon cœur et ma langue. Avec mon cœur, je sens que c'est quelque chose qui est venu de lui. Mon cœur, yani, va vers lui, c'est pas vers la personne. La personne, je la remercie, je lui dis Barakallahu fik, Jazakallahu khair, Ahsanallahu ilayk, Barakallahu, et je lui fais un doigt. Mais je sais que c'est pas elle, je sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a donné ça, et je lui dis Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatim salihat. Et Alhamdulillah, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction entre remercier Allah et remercier la personne qui en a été la cause. Ensuite, il a dit la ni'ma, la bienfait, les bienfaits se divisent en deux sortes. Les bienfaits se divisent en deux sortes, ou la disons en deux grandes sortes. Disons en deux sortes, ou la disons en deux grandes sortes. Il y a la ni'ma d'abord, c'est-à-dire le bienfait. Il y a le bienfait général et le bienfait particulier. Il y a le bienfait général et le bienfait particulier. Et le bienfait particulier, lui-même se divise en particulier, particulier et particulier général. On va commencer par le bienfait général, l'amma. وَهِيَ الَّتِي تَكُونُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ. Les bienfaits, d'une façon qui sont, disons, les bienfaits qui sont généraux, sont d'une façon générale, ce sont les bienfaits qui sont pour les croyants et les kuffars. Quelqu'un va dire, donc le kafir, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne aussi des bienfaits. Réponse, bien sûr. Naam. Lakinnaha ni'ma 'amma. Mais c'est un bienfait général. C'est pas un bienfait particulier. C'est un bienfait général. Comme Allah ta'ala donne à l'animal des bienfaits, il a donné aussi au kafir. Allah ta'ala a donné au crocodile des bienfaits. Il a donné au porc, il lui a donné des bienfaits. Des ni'am. Il lui a donné des yeux, il lui a donné une bouche pour manger, il lui a donné, non, il a donné une peau, une carcasse pour, pour le froid, etc. Il a donné à l'animal. Pourquoi il ne donnerait pas au kafir? Non. Donc l'Azza wa Jalla donne des ni'am aux kuffar. Mais ce sont des ni'am qui ont rapport seulement avec le corps, pas avec le cœur. Regardez la différence. Le kafir, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne des bienfaits qui ont rapport avec le corps. Lui donne la santé, la beauté, l'argent avec lequel il va se faire grossir. Tout a rapport avec le corps. Mais il ne lui donne rien qui a rapport avec le cœur pour lui purifier son cœur de la souillure qu'il a. Et il ne lui donne rien pour lui enlever les soucis qu'il a dans le cœur, ni les gros, grands chagrins qu'il a dans le cœur. Jusqu'à ce que des fois il se suicide. Hado, Allah Ta'ala ne lui donne pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est un bienfait particulier. On a dit qu'Allah Ta'ala a donné au kafir des bienfaits généraux, pas particuliers. Non. Donc, il lui donne à manger, à boire, des vêtements, un appartement, la plus belle voiture, etc. Non. Mais le bienfait particulier, c'est le bienfait qui te permet d'avoir, mashallah, l'iman, d'avoir l'ilm, la science, le bienfait qui te permet, t'aide à faire des bonnes actions, à faire la prière, à aller au hajj, à faire de l'aumône, à être sincère. Tout ça c'est quoi? Ce sont des bienfaits particuliers qu'Allah Ta'ala nous donne, non seulement aux croyants, mais encore à certains croyants particuliers. C'est pour ça que ça va venir dans, dans le troisième groupe. Bienfait particulier, particulier. Non, bienfait particulier, particulier. C'est-à-dire, dans les croyants, et il y a des gens particuliers auxquels l'Azul donne des ni'mas qu'il ne donne pas à d'autres, vu leur sincérité et vu leur grand amour d'Allah subhanahu wa ta'ala Wahel jaza ou l'ihsan illa l'ihsan. Allah Ta'ala, quand il sait que il y a deux personnes. Je donne un exemple très simple. Cette personne, deux personnes, A et B. A passe la nuit à dormir et à ronfler. Masha'Allah. On l'entend de l'autre pièce. D'une autre pièce, on l'entend en train de ronfler toute la nuit. À lire le Coran, à faire la prière. Masha'Allah. Vous allez me dire que c'est la même chose. Celui qui lit le Coran et celui qui ronfle. C'est pas la même chose. Donc Allah Ta'ala va donner à B ce qu'il ne va pas donner à A. Pourquoi? Parce que B a fait quelque chose de plus que A. A s'est endormi, c'est tout. B a fait la prière, quelques raka'at, ensuite il s'est endormi. Il a fait quelque chose de plus. Et Allah Ta'ala, c'est le plus juste. C'est plus juste. S'il va donner à A et à B la même chose, quelqu'un pourrait dire, Astaghfirullah, pourrait lui dire, tu es injuste. Comment? Moi, je n'ai pas dormi. Lui, il a dormi, on a la même chose. Allah Azza wa Jalla, c'est le plus juste. Il va donner à celui qui va faire la prière ce qu'il ne donnera pas à celui qui a dormi. Et pourtant, les deux, ce sont des croyants. Les deux, il leur donne des ni'am. Mais il donne particulièrement à B ce qu'il ne donne pas à A. Et aussi maintenant, plus particulier encore, c'est quoi? C'est les ni'am et les bienfaits que donne Allah Azza wa Jalla à qui? Au prophète, au messager. Naam, au messager. Il y a ça, il n'y a pas plus particulier que cela. Allah Ta'ala dit dans le Coran, sourate An-Nisa, verset 113. Il a dit, وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Et Allah Ta'ala a fait descendre sur toi le livre et la sagesse. Et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la grâce d'Allah sur toi est immense. Regardez. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. Et les bienfaits ou la grâce d'Allah sur toi est immense. Subhanallah al-Azim. Est-ce qu'il y a une plus grande ni'ma? Dites-moi, vous connaissez une plus grande ni'ma que d'être choisi messager? Subhanallah. Il y a une plus grande ni'ma que quelqu'un, que Allah Azza wa Jal le choisisse comme son messager pour l'envoyer yani, sur la terre, pour l'envoyer aux gens. Il n'y a pas plus grande ni'ma que celle-là. Subhanallah. Il lui a dit, Allah Ta'ala fait descendre sur toi le livre et la sagesse et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. Et la ni'ma d'Allah sur toi est immense. Naam. Et lorsqu'il a dit, سراط الذين أنعم الله عليهم. C'est comme lorsqu'on dit dans sourate Al-Fatiha, verset 6, on dit اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Ya Allah, guide-nous dans le droit chemin. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Le chemin de ceux que tu as comblé de faveur. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Et non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ce sont les juifs. Parce qu'ils connaissent la vérité, ils ne suivent pas. Et ceux qui sont égarés, ce sont les chrétiens. Ils connaissent pas la vérité, et ils adorent ceux qui croient que c'est Allah Azza wa Jalla. Ceux qui croient, je dis, que c'est Allah Azza wa Jalla. Naam. Revenons à ce qu'on disait ici. Non. فَمَنْهُمْ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Maintenant, qui sont ceux que Allah Azza wa Jal a comblés de faveur? Qui sont les gens que Allah Azza wa Jal a comblés de faveur? Allah Azza wa Jal a montré ça dans une autre surah, surah Al-Nisa 69. Il a dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Quiconque obéit à Allah, au messager, ceux-là seront avec ceux que Allah a comblés. Qui c'est? Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Non, il n'y a pas quelqu'un qui a été plus comblé de bienfaits qu'un prophète. Ensuite, les véridiques, c'est des fins. Ensuite, shuhada, les martyrs. Ensuite, salihun, les vertueux. Donc on a quatre groupes de gens, ce sont les plus comblés de bienfaits, les plus comblés. Il n'y a pas quelqu'un qui peut être plus comblé qu'eux. Les premiers, ce sont qui? Les prophètes, les nabiyoun. Et on avait dit une fois, c'était quoi la différence entre Nabi et Rasoul. On avait dit la différence entre Nabi et Rasoul. Mais pour y répéter très vite, on avait dit que le Nabi c'est le messager et le Rasoul c'est le prophète. Ah, le messager, j'espère que je ne me suis pas trompé. Le Nabi c'est le messager et le prophète c'est le Rasoul. Je préfère les citer en arabe pour être plus sûr. Un Nabi, c'est quelqu'un qui vient pas avec une nouvelle sharia, mais il marche avec la législation qui a été avant lui et qui l'a précédé. Un Nabi, c'est quelqu'un qui marche avec la législation, il applique la législation qu'il trouve. C'est-à-dire, il y a toujours, avant un Nabi, il y a eu un Rasoul. Le Rasoul vient avec une nouvelle législation. Le Rasoul vient avec une nouvelle législation. D'autres ont dit, Nabi prophète, Rasoul envoyé. Où est le messager? Tamallah. Où est le messager? Où est-ce qu'on met le messager? Le messager, c'est un Rasoul, ou c'est un Nabi, ou c'est un prophète? Al-Muhim. Naam. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Non. Certains ont dit le Nabi. Le Nabi, c'est quelqu'un que Allah Ta'ala envoie à des gens qui ne le contredisent pas. Parce que, comme j'ai dit, il n'a pas de sharia. Il n'a pas une nouvelle sharia. Et le messager, le rasoul, c'est-à-dire l'envoyé, c'est quelqu'un que Allah Ta'ala envoie à des gens qui le contredisent. Hein, car il est venu avec une nouvelle sharia, les gens, il va avoir des problèmes avec beaucoup de gens qui ne vont pas accepter la nouvelle législation avec laquelle il est venu. Et j'avais dit, si vous vous rappelez, qu'il y avait, j'ai pas oublié, 315. Non, j'avais dit 315 nabis. 315 nabis et 124 000 315, pardon, Nabi Naam, et 124 000 Rasoul. Non, c'est le contraire, pardon. 124 000 Nabi. 124 000 Nabi et 315 dans un autre hadith. 314, 315 Nabi. Pardon. 314 ou 315 Rasoul. Ça, je ne vais plus parler Rasoul. Je vais dire seulement en arabe. 124 000 Nabi, 315 Rasoul. Voilà. 124 000 Nabi et 314 ou 315 Rasoul. Chaque Rasoul, il vient avec une nouvelle législation. Sharia. Le Nabi, il ne vient pas avec une Sharia. Il marche avec la Sharia qui l'a précédée. Je voudrais seulement ouvrir une parenthèse ici pour dire que il ne faut pas dire, comme disent beaucoup de gens qui se trompent mal à SF, si tu leur demandes la différence entre un Nabi et un Rasoul, ils vont te dire, le Rasoul, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une sharia, il lui a dit, il faut que tu la propages, il faut que tu la divulgues. Et le Nabi, Allah ta'ala lui a donné une sharia, et il ne lui a pas demandé de la propager. Ça, il n'y a pas plus faux que cela. Car ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Nabi a une sharia, il a une législation, ceci haram, ceci halal, ceci makro, ceci mustahab, et il va s'enfermer, il ne va pas sortir, pour dire aux gens et pour apprendre aux gens. C'est très grave. Pourquoi Allah Ta'ala va-t-il lui donner toute cette science, ensuite il lui dit ne dis pas aux gens. Ferme-toi dans ta maison et reste dans la maison. Bon, ça, ce n'est pas vrai. Mais le Nabi montre aux gens, mais il montre ce que le prophète qui l'a précédé a montré. Il ne vient pas avec quelque chose de nouveau. Alors que le Rasoul vient avec quelque chose de nouveau. Ça, c'est la première sorte. C'est qui? C'est les messagers. Deuxième sorte, c'est qui? C'est des cônes. C'est des cônes, les véridiques. Les véridiques. Non. C'est qui? C'est qui le siddiq? C'est qui le véridique? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Sourate Al-Hadid 19. Il a dit: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. Subhanallah al-Azim. C'est qui les véridiques? Allah Ta'ala les a montrés. Il a dit: ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers, ce sont les grands véridiques. Donc je répète, on a quatre sortes de personnes qui ont été comblées d'une façon que aucune sorte ne sera comblée comme ces quatre sortes. Les premiers, c'est les messagers. Les deuxièmes, ce sont les véridiques. Les troisièmes sont les martyrs. Et quatrième, les vertueux. On est maintenant au véridique. C'est qui un véridique? Quand est-ce qu'on dit cette personne est véridique? Allah Ta'ala montre et a dit: quiconque croit en Allah et en ses messagers, c'est un véridique. Vous allez me dire, il y a beaucoup de gens qui croient en Allah, qui croient au prophète et ce ne sont pas des véridiques. Ce sont des menteurs, ce sont des sorciers, ce sont des fornicateurs, ce sont tout. Naam. C'est pour ça que pour être véridique, il faut être véridique en trois choses. Naam. Premièrement, il faut être véridique dans la aqida, dans le dogme. En faisant quoi? Bil ikhlas, en étant sincère, et il n'y a pas quelque chose de difficile comme la sincérité. C'est pour ça que certains salaf disaient: ma jahadtu nafsi ala shay'in mujahadata ala al-ikhlas. Certains salaf disaient: jamais je n'ai fait le jihad à mon nafs comme je faisais le jihad à mon nafs pour la sincérité. C'est très difficile. Et être véridique dans la aqida, c'est être sur le chemin des pieux prédécesseurs, comme on l'a montré. Sans déformation, sans négation, sans ressemblance, et sans demander le comment. Dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que Allah azza wa jalla s'est décrit, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit Allah, je dis ça, c'est comme ça. Et comme j'ai dit les quatre, sans négation, sans déformation, sans ressemblance et sans demander le comment. C'est quelqu'un marche comme ça dans la aqida, c'est un véridique dans la aqida. Il lui reste deux choses. La deuxième des choses, sidr fil maqal. Il faut qu'il soit véridique dans son parler, dans ce qu'il dit. La yaqul illa ma tabaqa al-waqi'. Il ne dit que ce qui concorde avec quoi? Avec la réalité. Ou bien, c'est pour lui, et même si c'est contre lui, il est toujours quelqu'un qui dit la vérité. Même si cette personne, c'est son père ou son frère, ou sa soeur ou sa mère. Non. Quelqu'un qui est véridique, si quelqu'un a fait, par exemple, ton père a fait du tort à quelqu'un. Ton père a fait du tort à quelqu'un. Ensuite, le juge va appeler ton père et va t'appeler toi comme témoin. Il te dit: qui a eu tort, ton père ou son adversaire? Ici, tu ne dois pas dire c'est mon père, comment vais-je faire? Tu dois dire c'est mon père qui a eu tort, c'est cette personne qui a raison. Si tu dis comme ça, tu es quelqu'un de véridique. Vous remarquez que les gens penchent beaucoup vers leurs enfants, vers leurs femmes, vers leurs parents, etc., vers leurs pères. Et c'est très rare que quelqu'un yani, dise je dois dévancer ma vérité sur mon père et sur ma famille, etc. Non. C'est pour ça que pour que quelqu'un, par exemple, témoigne contre son père ou là contre son fils ou là contre son frère, il faut que vraiment il soit un véridique. Il faut vraiment qu'il soit siddiq min siddiqin. Sinon, il n'est pas fou. Il va dire moi je ne suis pas fou. Je laisse mon père et je vais être du côté de l'adversaire de mon père. Alors que ça, comme j'ai dit une fois, c'est seulement les véridiques qui peuvent être de l'autre côté contre ses plus proches et ses plus aimés pour Allah Azza wa Jalla. Pour Allah Azza wa Jalla. Comme a dit Allah Ta'ala dans le Coran, il a dit: وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. Des fois, tu sais quelque chose et tu la caches. Tu la caches pour ne pas montrer, par exemple, que c'est ton père qui a tort. Tu caches la chose. Allah Ta'ala a dit, ne cachez pas, ne cachez pas le témoignage. Et quiconque cache le témoignage, salam alaykoum wa rahmatullah. Je disais que pour être véridique, donc, il fallait être véridique en trois choses. En la aqida, et suivre la aqida du salaf salah radiallahu ta'ala anhum, être véridique dans ses paroles, être véridique dans ses actes. Dans ses actes. Ensuite, il a dit, وَأَفْضَلُ السِّدِّقِينَ عَلْ إِطْلَقَ أَبُو بَكْرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِأَنَّ أَفْضَلَ الْأُمَمِ لِأَنَّ أَفْضَلَ أُمَمِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَفْضَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّ أَبُو بَكْرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen Allah yahmuhu a dit, le meilleur de véridique, le plus vrai des véridiques, c'est qui? C'est Abu Bakr Siddiq رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ. Après les prophètes, en deuxième position, c'est Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Naam. Si quelqu'un vous dit, c'est une troisième personne, c'est une autre personne, ce n'est pas Abu Bakr Siddiq, ça veut dire cette personne n'a pas encore compris la aqida, il n'est pas un salafi. C'est pas quelqu'un de salafi. Quelqu'un qui va te dire, la meilleure personne après les prophètes, c'est Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala. Dis-lui menteur. Menteur. Allah Ta'ala a appelé Abu Bakr Siddiq, il l'a appelé Sahib dans le Coran. Il dit Yaqulu li Sahibihi, la tahzan. Sahibihi, Sahabi, Summa Sahabi dans le Coran. Naam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, quelle est la personne que tu aimes le plus? Il a dit qui? Il a dit Aisha radiallahu ta'ala. On lui a dit des hommes. Il a dit son père, Abuha. Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Naam. C'est pour ça que, à chaque fois qu'il était absent au-là, il voulait que Abu Bakr, ce soit Abu Bakr radiallahu ta'ala, qui guide les gens, qui fasse la prière des gens, aux gens. Et c'est pour ça que, il a été le premier khalifa. Il a été le premier khalifa. Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Si un jour on allait parler de lui, on parlait des heures et des heures pour montrer ses mérites. Radiallahu ta'ala anhu, Abu Bakr Siddiq. Je disais que donc Abu Bakr Siddiq, c'est le plus véridique des véridiques. Après les prophètes, bien sûr, après les prophètes. Et le fait d'être véridique, ça peut être pour un homme, ça peut être pour une femme. Pour les femmes, par exemple, Aïcha. Ne voyez-vous pas qu'on l'appelle Siddiqatu bintu Siddiq, la véridique, fille du véridique, Siddiqatu Bintou Siddiq, non? On ne fait pas comme les Shia, on l'insulte. On dit c'est notre mère. Et c'est Siddiqatu Bintou Siddiq. Ensuite, le délit, je vais donner un délit qu'une femme peut être Siddiqa, peut être véridique. C'est Allah Ta'ala en parlant de la mère de Isa alayhi salam, dans son film Maïda 75, il a dit Ummuhu Siddiqa. Et sa mère était une véridique. La mère de Isa alayhi salam, il a dit. Et sa mère était une véridique. Donc une femme peut être une véridique. Et un homme peut être aussi un véridique s'il remplit les trois conditions que j'avais dit tout à l'heure. Ensuite vient qui? Ensuite vient Shuhada'u. C'est qui les martyrs? Les martyrs, Humuladina qutilu fi sabillah. Ce sont ceux qui sont morts pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quiconque est mort pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça s'appelle un shahid, ça s'appelle un shahid, un martyr. Allah ta'ala dit dans le Coran, surat, non, j'ai pas cité, je crois ici, la surat, surat Ali Imran, non, surat Ali Imran, il a dit, wa li ya'lama, surat Ali Imran 140, wa li ya'lama, Allahu alladhina amanu, wa ittakhidha minkum shuhada, afin qu'Allah reconnaisse ceux qui ont cru, et qui choisissent parmi vous des martyrs. C'est Allah Ta'ala qui choisit le martyr. Non. Si quelqu'un est sincère et veut mourir martyr, Allah subhanahu wa ta'ala l'écrira comme quoi il est mort martyr, même s'il meurt sur son lit. Il meurt sur son lit. Non. S'il a dans le cœur de vouloir mourir martyr et il est sincère, الله تعالى ليكفر تلمو الله سبحانه وتعالى يعني la base c'est quoi la base c'est l'intention tellement Allah Ta'ala يعني et masha'Allah tellement Allah Subhanahu wa Ta'ala et يعني comble de bienfaits que le fait seulement que tu aies l'intention et que tu sois sincère Allah Subhanahu wa Ta'ala te donne le fait d'être martyr alors que tu n'es pas mort en martyr n'am et certains ont dit que les ulama aussi les ulama rentrent dans les martyrs parce que Allah Ta'ala dit dans le Coran شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم Allah Ta'ala on dit dans Sourate Ali Imran 18 verset 18 Sourate Ali Imran a dit شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم Allah atteste et aussi les anges et les doués de science qu'il n'y a point de divinité à part lui à part Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc sont rentrés qui ? Sont rentrés les gens de science. Pourquoi ? Parce que les gens de science attestent au prophète qu'ils ont vraiment rempli leur mission et qu'ils ont, alhamdoulilah, propagé ce din. Naam. Ils ont montré aux gens yani ce qu'il fallait. Ils ont fait ce dont Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de faire. Alhamdulillah. Et vous savez que le shahid, d'abord avant cela, je dis une chose très simple. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata ala shu'batin min nifaq. C'est un hadith très grave quand on l'entend. Là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque meurt et n'a pas assisté à une ghazwa, à une bataille, à pas assister à une bataille. Ou bien, ne sait pas parler en lui-même, en son cœur. Il ne sait pas parler de partir à une bataille ou d'assister à une bataille. Il a dit, celui-là mourra dans un rameau, des rameaux de l'hypocrisie. C'est très grave. Pourquoi ? Parce que quiconque doit ou bien assister à la bataille quand il y a la bataille fi sabillah. La bataille fi sabillah, le djihad fi sabillah, c'est pas toi qui le connais ni moi. Le djihad fi sabillah ne le connaissent que les grands ulamas. Ce sont les grands ulamas qui disent nous sommes dans un djihad ou nous ne sommes pas dans un djihad. Nous sommes dans un djihad, il faut partir. Il faut aller là-bas et mourir et combattre, ou bien ils te diront, nous sommes dans une fitna, dans tel pays X ou Y, ils te disent, il y a le djihad, va là-bas combattre. Dans le pays, l'autre, X ou Y, c'est pas le djihad, c'est la fitna, il faut pas y aller là-bas. Et comme ça. Comme pour savoir, seuls les ulama peuvent savoir cela, comme a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Il a dit, parmi les ulama, seuls les spécialistes, les plus grands, peuvent connaître cette chose, pas n'importe qui. C'est pour ça qu'il y a comme un dicton comme ça qui dit, comme un proverbe ou là qui dit, il dit quand vient la fitna, seuls les ulama la sentent. Ils sentent que c'est une fitna. Hein? Ils sentent. Ils voient ce que les gens sont en train de dire, etc. Ils sentent que la fitna va arriver. Et quand la fitna est venue, il y a eu des morts, des milliers de morts, etc. Maintenant la fitna est partie, il n'y a plus de fitna. Tout le monde connaît la fitna. Même le djihad, même l'ignorant dira, subhanallah, on était dans une fitna. Naam. Maintenant c'est trop tard, il y a des milliers de morts. Des milliers de morts qui sont morts comme ça. Mais le alim, c'est celui qui sent la fitna quand elle vient. Ce n'est pas quand elle parle et elle se termine. Quand elle parle, la fitna se termine, tout le monde sait. Ma grand-mère, elle me dit, on était dans une fitna, alhamdoulilah, maintenant on est bien, etc. Et ma grand-mère, elle le sait. Mais est-ce que avant, lorsque la fitna allait commencer, ma grand-mère pourrait savoir cela? Elle ne peut pas, elle n'a pas d'ilm. Seuls les ulama savent. Je disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque n'a pas assisté à une bataille, ou alors, ne s'est pas parlé dans le cœur, ne s'est pas dit, si jamais il y a une bataille, que les ulama disent, par exemple, il faut y aller, j'irai. Il a dit, si c'est pas comme ça, s'il meurt, il meurt dans un rameau d'hypocrisie. Ce n'est pas un kafir, mais il a de l'hypocrisie dans son cœur. Est-ce que, par exemple, je vous donne un exemple très simple. Est-ce par exemple, quand vous lisez par exemple un livre où on parle par exemple de Ghazwat Uhud ou Ghazwat Badr, ou je ne sais pas, pour ceux qui voient la télévision, ils voient le film Madar Risala ou là je ne sais pas quoi, est-ce que dans ton cœur, tu te dis par exemple, si j'étais ce jour-là, j'aurais été de ce côté par exemple, j'aurais été du côté du prophète alayhi sallam, de Abu Bakr, Omar et Ali, etc., contre Abu Jahl, Abu Lahab, Umay ibn Lahab et les autres. Non, si tu dis comme ça, al-aql, au moins, tu as l'intention que, si se passe quelque chose, tu es du côté de Hezbollah, du parti d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas Hezbollah de Lubnan. Attention, Hezbollah de Lubnan, c'est Hezb Shaitan. Parce que moi, j'ai employé Hezbollah, comme dit Ibn al-Qayyim, Timiyya, ils disent Hezbollah. Même dans le Coran, Allah ta'ala dit Hezbollah. C'est pas Hizb Shaitan du Liban. Ça, c'est le Hizb du plus grand Shaitan du monde. Maintenant, je parle de Hizballah, Allah, subhanahu wa ta'ala. Je disais, les shuhada, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ses compagnons, c'est qui pour vous le shahid? C'est qui pour vous le shahid? Ils ont dit, celui qui fait la guerre sainte et il meurt. Il a dit, donc les shuhada, donc les martyrs, sont peu nombreux. Donc les martyrs sont peu nombreux. Si le martyr, c'est seulement celui qui meurt dans la guerre sainte, donc il n'y a pas beaucoup de martyrs. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a montré. Il leur a dit, Ash-shahadatu sab'un, les martyrs, et le fait d'être martyr, il y en a sept, à part mourir dans la guerre sainte. Premièrement, Al-Mabtoun ou Shahid, celui qui meurt à cause de son ventre est un martyr. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith sahih, bien sûr, rapporté par Abu Daoud, Ibn Nasa'i, Ibn Majah, Ibn Hibban, et l'Albani a dit sahih. Quiconque meurt à cause de son ventre, cancer au ventre, quelque chose au côlon, dans le côlon, quelque chose dans les intestins, et il est mort, c'est un Shahid, c'est un martyr. Bien sûr, à condition que ce soit quelqu'un de croyant, ce n'est pas le kafir, et que ce soit quelqu'un, par exemple, qui faisait la prière, etc. Et que ce ne soit pas, par exemple, une maladie qui est venue à cause, par exemple, de l'alcool ou de la drogue, quelque chose d'interdit. Il a beaucoup consommé de la drogue, il a beaucoup bu d'alcool, et maintenant il a un cancer. On ne parle pas de celui-là. Celui-là, c'est un châtiment pour lui. Sauf trois fois s'il a fait le repentir. Sauf s'il avait bu l'alcool pendant 40 ans. Ensuite, il a fait le repentir, alhamdoulilah, et il a eu le cancer. Ad alhamdoulilah, il a fait le repentir. Il rentre dans le martyr. Quiconque meurt à cause de son ventre, c'est un martyr, a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième, il a dit, wal ghariqu shahid. Et quiconque meurt noyé est un shahid. Non, quelqu'un qui se noie, qui meurt, c'est un shahid. Le Qurtubi rahimahullah a dit, attention, quand on dit il s'est noyé, ça ne veut pas dire quelqu'un qui va à la plage où c'est mixte, les femmes à moitié nues, les hommes à moitié nus. Ensuite, il veut montrer aux gens qui le voient, il veut montrer qu'il est mashallah et qu'il sait nager. Il y a des filles qui sont en train de voir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se jeter du rocher. Il va se jeter à 50 mètres de hauteur. Et il tombe, il se fracasse la tête. Celui-là, s'il meurt noyé, ce n'est pas un shahid. Ou bien, il va dire, puisque tout le monde est en train de me voir et de me filmer, ah, je vais m'éloigner. Il va s'éloigner à 1 kilomètre du bord de la plage. Ensuite, il ne peut pas revenir. Il se fatigue, il meurt. Celui-là, il s'est suicidé ou l'ayadu billah. Celui-là, il s'est suicidé. On parle de qui nous? On parle de quelqu'un qui est croyant, qui fait la prière, qui a peur d'Allah. Il est monté sur une barque ou là sur un bateau pour voyager, un voyage de halal. Il ne part pas à cause de la nouvelle. Non, il est parti voir sa famille ou là, se soigner ou là. Le bateau a coulé, il est mort. Allah yarhamou. C'est un shahid. Il faisait la prière, il était machallah, il est mort noyé. Allah yahmouk, celui-là c'est un shahid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, authentifié par Sheikh al-Albani, dans Sahih al-Jam'a, il a dit quiconque, je donne son sens, j'ai oublié ses mots exactement, mais son sens, il a dit quiconque, il voit que la mer est très agitée, et il s'en fout, et il monte sur la barque, et il veut voguer, il a dit s'il meurt, je me désavoue de lui. Ana bari'un minhu. Wa bari'at dhimmati minhu. Celui-là, je me désavoue de lui. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Pourquoi? Il savait que la mer était très agitée et quand même, il a pris le bateau, là, la barque, il a volé. Donc celui-là, c'est quoi? Celui-là, il s'est suicidé. Naam. Toi, tu montes dans le bateau, dans la barque, quand c'est calme, etc. Ce n'est pas, il a vouloir se suicider. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit premièrement, celui qui meurt du ventre est shahid, celui qui meurt noyé est shahid. Il a dit, wa sahibu zatil janbi shahid, wa sahibu zatil janbi shahid. Le troisième shahid, c'est qui? C'est celui qui meurt avec une maladie, je ne sais pas comment qu'elle s'appelle cette maladie de nos jours, elle vient spécialement sur le flanc, à droite ou là à gauche, sur le flanc, et spécialement, elle a rapport avec les côtes. Vous savez, hein, quand tu touches tes côtes à droite et à gauche, il y a une maladie spéciale qui touche les côtes. Je ne sais pas de nos jours comment elle s'appelle. C'est une maladie elle, qui est grave, ça s'appelle Zetul Djenbe. Le Djenbe parce que c'est le côté. Elle vient sur le côté, soit à droite, soit à gauche. C'est une maladie, il y avait beaucoup cette maladie autrefois. Cette maladie, si quelqu'un meurt d'elle, il est shahid bi'idna azza wa jal. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wal mat'ounu shahid. Le quatrième, c'est qui? Al mat'oun. Il a dit, al mat'ounu shahid. Al mat'oun, je ne sais pas comment on dit en français. Al mat'oun. Nafoun. Zatul jamb. Une maladie? Zatul jamb. Non. Le mat'oun, vous savez c'est quoi ta'oun? Ta'oun, c'est une maladie très grave. Ta'oun, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, c'est très connu ta'oun. On dit le ta'oun, je crois que c'est la peste, hein, je crois. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est la peste, ta'oun. Ça vient des saletés, etc. C'est une maladie qui se contamine, contagieuse, très contagieuse, cette maladie ta'oun. Non. Il a dit, celui qui meurt à cause de la peste, c'est un shahid. C'est un shahid. Bien sûr, toujours avec les conditions. Il faut qu'il soit quelqu'un qui est croyant et qui fait la prière, etc. Non. Et le cinquième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wa sahibul hariqi shahid. C'est le cinquième ou le quatrième. Il a dit, et quiconque meurt brûlé est un shahid. Masha'Allah. Si quelqu'un meurt dans une maison, par exemple, brûlée, dans une forêt brûlée, il meurt dans une voiture brûlée, il ne peut pas sortir, il meurt, il est brûlé, c'est un shahid. Non, c'est un shahid. À condition qu'il soit quelqu'un de croyant qui faisait la prière. C'est un shahid bi'idna azzawajal. Ensuite, il a dit, et le cinquième, ou bien le sixième, وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِد. Et quiconque meurt, sous, par exemple, comment ça s'appelle, Tahtelhad? Par exemple, une maison se démolit et tu meurs. Un immeuble s'écroule et on meurt. Disons, par exemple, c'est comme le tremblement de terre. Toute personne qui meurt à cause d'un tremblement de terre, ensevelie, c'est pas ensevelie, ensevelie, qui meurt ensevelie par un séisme ou là, cette personne est, Inch'Allah ta'ala, un martyr. Naam. Si quelqu'un est dans sa maison ensuite, le plafond tombe, une vieille maison, la maison tombe sur lui, le plafond tombe, il meurt, c'est un martyr. C'est un martyr s'il faisait la prière. Mash'Allah. Homme ou femme, bien sûr. Et enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wal mar'atu tamutu bi jam'in shahid. Et la femme qui meurt avec un bébé dans le ventre, shahid, c'est un martyr. Cette femme, c'est un martyr. Pourquoi? Elle est morte avec un bébé dans le ventre. Et certains ont ajouté, même si elle meurt en accouchant. Elle accouche et elle meurt. Donc elle est morte à cause de quoi? À cause de son bébé. Ils ont dit, celle-là rentre aussi dans le shahid. Elle est shahid. C'est un martyr. Cette femme est martyr. Non. À condition, bien sûr, c'était une femme, inch'Allah, pieuse, qui faisait la prière, et que la grossesse et le bébé qu'elle avait dans le ventre est un bébé de halal. C'est pas un bébé d'un homme qu'elle connaissait avec lequel elle n'était pas mariée. Elle meurt avec son bébé de son mari, bi'idnillahi azza wa jalla. Naam. Ces sept personnes sont des shahids, bi'idnillahi azza wa jalla. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith que si quelqu'un voulait te prendre une chose de force et que tu l'en empêchais, et que s'il te tuait, tu es shahid. S'il te tuait, tu es shahid. Et dans un autre hadith, il a dit aussi que en parlant des Khalidites, il a dit quiconque, l'une de ces personnes, des Khalidites, des Khawarij, tue quelqu'un, ce quelqu'un est shahid. S'il meurt, il meurt shahid, bi'idn al-azawj. D'accord, inshallah, d'accord à téléphone. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ta'am Allah, فيه الاخر فيه صوت واسجيتي نعم واسجيتي j'ai parlé de la femme pardon j'ai parlé des kharijites est-ce que j'ai dit que s'il tue quelqu'un il est shahid est-ce que j'ai dit si les khawarij tue quelqu'un il est shahid نعم alhamdoulillah نعم le shahid qui meurt, bi'idnillah azza wa jal, dans la guerre sainte, spécialement, dans la guerre sainte, qu'aura-t-il le jour du jugement dernier? Quelle est la chose qui va le différencier des autres? Quelle est la chose qui va le différencier des autres personnes, bi'idnillah azza wa jal? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le shahid a sept choses, yani, que les autres n'ont pas. Sept choses, que les autres n'en ont pas, bi'idna azzawajal. Naam. La première des choses, c'est quoi? La première des choses, il a dit, yughfaru lahu fi awwali daf'atin min damih. Subhanallah al-azim. Le shahid, quand quelqu'un meurt shahid, à la première goutte qui va sortir du sang, c'est pour ça que j'ai dit, on parle du shahid maintenant, qui meurt dans la guerre sainte. Le prophète, alayhi sallam, a dit, à la première goutte qui va couler, tous tes péchés vont être annulés. Subhanallah al-Azim, masha'Allah. Tous les péchés que tu as fait, si tu meurs shahid, à la première goutte qui va couler de sang, tous les péchés vont être annulés. Ça, c'est le premier bienfait, masha'Allah. La première faveur, masha'Allah azzawajal. La deuxième. وَيَارَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ Subhanallah al-Azim. Et il voit sa place dans le paradis. Dès que la première goutte de sang coule, il voit déjà sa place dans le paradis, mashallah. Dans un autre hadith, que celui qui meurt, fisabillah, il ne sent que comme quelqu'un qu'on pince. Quand tu pinces quelqu'un avec ta main, tu le pinces par exemple sur son bras, juste un peu. Il a un peu mal. C'est comme ça seulement que ressent le shahid. Ça veut dire que les autres personnes qui ne sont pas shahides, c'est vraiment difficile la mort. Hein, pour faire sortir l'âme, c'est vraiment difficile. Mais pour le shahid, c'est comme quelqu'un qu'on venait juste de pincer. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, de les faveurs qu'il a, « Yuhalla hullat al-iman » On va l'habiller avec un habit spécial, le jour du jugement dernier, qui s'appelle l'habit de la foi. Subhanallah al-Azim. Le hulla, c'est un ensemble à deux pièces. Par exemple, un pantalon et une chemise qui marchent ensemble. On dit hulla. Allah Ta'ala donnera au shahid un ensemble qui s'appelle l'ensemble de la foi. Comment devrait-il être, subhanallah al-Azim, puisqu'il est, il est spécialement pour le shahid. Comment doit-il être cet habit? sûrement qu'il est, il n'y a pas plus beau. Il n'y a pas plus beau. Non, sûrement, il n'y a pas plus beau que cet habit. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ويزوج اثنين وسبعين زوجة من حرين. Allah subhanahu wa ta'ala le mariera avec 72 femmes du paradis. Subhanallah al-Azim. Allah subhanahu wa ta'ala le mariera avec 72 femmes du paradis. Alors que toute autre personne n'aura que deux, ou un peu plus, minimum deux. Mais 72, subhanallah al-Azim, c'est spécialement pour le shahid. Celui qui meurt chez 72 femmes du paradis. Ensuite, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. C'est très important. C'est très important. وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. Nous, quand on va à la tombe, il est possible qu'il y ait un châtiment. Il est possible qu'il y ait un châtiment dans la tombe. Mais le shahid ne connaît pas le châtiment de la tombe. C'est impossible. Non. Ne connaît pas le châtiment de la tombe et je crois même qu'il n'est même pas questionné. Tellement, yani, c'est le sang, etc., qui est la preuve. Qui est la preuve. Mais il ne connaît jamais le châtiment de la tombe. Et ensuite, il y a autre chose. يَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ. Il y a une grande peur qui attend tout le monde le jour du jugement dernier. Il y a une grande peur qui nous attend tous le jour du jugement dernier. Le shahid, ce jour-là, n'aura pas cette peur, masha'Allah. Quand tous les gens auront peur, lui n'aura pas peur. Subhanallah al-Azim, ma sécurité totale. Ma sécurité totale. Et ensuite, وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَقُوتَةُ مِنُ خَيْرُ مِنْ دُنْيَا وَمَفِيَا. Allah subhanahu wa ta'ala lui mettra sur sa tête, ou bien ordonnera qu'on lui mette sur sa tête Tadj, comment qu'on s'appelle Tadj que mettent les rois hein? Quelque chose sur la tête comme ça qui tourne, qui est en cercle, demi-cercle, en or ou là, comment ça s'appelle là, de la chose qu'on met sur la tête, j'ai oublié. La couronne, Jazakallahu khair, la couronne, ça Allah subhanahu wa ta'ala lui mettra une couronne spéciale, ça s'appelle Tadj al-Waqar, al-Waqar, ma'am, la couronne du al-Waqar. Naam, qu'est-ce qu'elle a cette couronne? Il a dit chaque émeraude, elle contient des émeraudes, ça. Chaque émeraude est mieux que tout ce bas monde. Yani, si jamais on pouvait vendre tout ce bas monde, toutes les voitures qu'il y a dans ce monde, tous les jardins, toutes les villas, on vend tout ce qu'il y a dans ce bas monde, une seule émeraude qu'il y a sur la couronne coûte plus cher. Coûte plus cher, alors celui-là, il va avoir une couronne pleine d'émeraudes. Masha'Allah. Et septièmement et dernièrement, يَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ إِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. Subhanallah al-Azim. Il fera l'intercession. L'intercession, يَشْفَعُ. Naam. Il fera l'intercession à 70 personnes. 70 personnes de sa famille. Subhanallah al-Azim. Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner cet avantage que il va lui dire choisis 70 personnes de ta famille qui vont rentrer en enfer. Bien sûr, il ne faut pas qu'ils soient des kuffars. Beaucoup de musulmans vont aller en enfer. D'abord et ensuite au paradis. Il lui dira Allah ta'ala choisis 70 de ta famille qui vont rentrer en enfer. Ils vont commencer par l'enfer pour que Inch'Allah ta'ala, ils ne vont pas rentrer à cause de toi, à cause de ton intercession, shafa'a, car tu es mort, shahid fi sabilillah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, nirzuqana shahada fi sabilillah li wujhihi azza wa jal. Et voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. On se rencontre, inch'Allah ta'ala, dans 5 minutes. Subhanakillahum wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant. استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طيب طعم الله كي افيك توا من الاخوه كي افيك توا دي اخوه دونك جو فوا بيرسون افيك توا اجوردي دي اخوه نعم Je ne vois personne. طيب ابن كثير إلى لا ابن كثير أسك ابن كثير إلى سيل لا إلى بلاما أسك ابن كثير إلى ils ont pas pu نعم ils ont pas pu rentrer صح ils ont pas pu rentrer طيب il n'est pas là ابن كثير قاسي قاسي سالف أسك إلى لا إلى بلاما قاسي سالف أسك إلى طيب il n'est pas là aussi. Où? Oui, il est là. Et puis, il est là. Pourquoi il n'a pas levé la main? Non. Pourquoi il n'a pas levé la main? طيب فاشغل البوست ولا دار الفردوس دار الفردوس واش كيدير دار الفردوس اش كيلا بلا ما دار الفردوس دار الفردوس واش ليس دار الفردوس داك كاكو كوم سا سا سوفي دو دو دو ان شاء الله دو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب بماذا نبدأ إن شاء الله تعالى؟ طيب لحظة شوية avec la salle. لحظة شوية avec en train de faire un peu d'eau dans la salle إن شاء الله تعالى. طيب une seconde je dois faire sortir quelqu'un de la salle pour qu'il puisse rentrer inshallah c'est pas pour le l'expulser c'est pour qu'il puisse rentrer ici طيب une seconde طيب autrement inshallah ta'ala نعم بارك الله فيك الأخت أخت جزاك الله خير أخت دو ماروك بارك الله فيك جي بوبلي صح جزاك الله خير نسأل الله أن يبارك أن يبارك في مالك نسأل الله أن يبارك في مالك إن شاء الله نعم سي كوا لا بروميير كيسيون طيب الله السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تبصر مع السلام عبدو أبو عبد الله التيمية بطوكو عبد لله نعم بس كي ليلا عبد لله أسك عبد لله إلا نعم أسك عبد لله إلا عليكم عليه السلام طيب سي عبد لله الله ان شاء الله تعالى qu'il me le dise qu'il me le dise ان شاء الله تعالى on commence ان شاء الله تعالى par la première question السلام عليكم celui qui part à quête de la science et meurt sur le chemin ou meurt dans le marquez est-il martyr s'il est martyr pourra-t-il faire entrer au paradis les membres de sa famille vous avez cité les 7 cas des martyrs peuvent-ils rentrer au paradis les mêmes membres de la famille. Bismillahirrahmanirrahim, salat wa salam ala ashraf al-mursalin. Celui qui meurt en faisant la quête par le ilm, et le vrai ilm bien sûr, le vrai ilm, il est martyr parce que il est sorti qu'un mujahid. C'est pour ça que la zakat de l'argent, on peut la donner, à part les 8, à quelqu'un qui va au hajj ou à quelqu'un qui va au djihad. Et parmi ceux qui vont au djihad, on peut la donner à quelqu'un, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, s'il fait la quête du ilm, si c'est pour acheter des livres de din, pour apprendre le din ou l'apprendre aux gens. Il a dit, tu peux lui donner, bi'idna ta'ala, l'argent de la zakat. Mais ce martyr n'est pas comme le martyr, le grand, celui qui meurt dans la bataille. C'est celui qui meurt dans la bataille qui a les sept faveurs, qui a les sept faveurs que je venais de citer. Les autres, on les appelle aussi des martyrs, mais pas à ce niveau. Abdullah, salam alaykoum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Adi ghiba kabira. Fa inshallah ta'ala nu'atik illa lallaqi tusallim alayna inshallah ta'ala. Wa la'ala tuzakiruna bi shay. La adri limada akhtafait kul hadha al-ikhtifa. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Inshallah al-umur bi khayr. Tafadhal inshallah khudh al-laqit. طيب اعطيتك اللاقط الاخ كريم تفضل اعطيتك اللاقط تفضل طيب on continue inchallah je crois que le اخ ne peut pas prendre le micro peut-être qu'il a des difficultés باذن الله عز وجل نعم je crois que c'est un signe الله سبحانه وتعالى اعلم الاخ si tu es prêt inchallah dis le moi je disais que la faveur K celui qui meurt dans la bataille ne l'ont pas les autres même s'ils sont appelés shahid. C'est pour ça que celui qui meurt brûlé ou la femme en grossesse ou celui qui meurt dans la peste, etc. n'a pas les faveurs que je venais citer pour celui qui meurt fi sabilillah dans le champ de bataille. Naam. Il ne peut pas faire l'intercession à 70 personnes de sa famille ni il aura sur sa tête ce cas le grand martyr bi'idhnillah azza wa jalla. Mais c'est sûr que Allah Ta'ala donnera à quiconque qui peut mourir, qui meurt, il lui donne des hajj qu'il ne donne pas à un autre, Inch'Allah Ta'ala. Fadal, khodallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fils Saut, vous m'entendez, est-ce que tu m'entends? Kamallah wa Sheikh Abu Abdullah. Fils Saut. الحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله بن تيمية وبارك الله فيك وعلمك ودعوتك وتعليمك لإخوانك وخواتك كالله يفصل بركة pour l'apprentissage que tu peux donner à tes frères à tes sœurs et pour le temps que tu gaspilles pour eux جزاك الله خير et tout ça c'est récompensé inshallah عند الله تبارك وتعالى والله نحن مسرورون يعني بالالتقاء بكم on est très content de vous rencontrer le frère surtout بن تيمية هذه مدة طويلة لم نلتقي ولا في بارتوك ولا في غيره ولله الحمد وأنا يعني منبسط جدا يعني فرحان ومسرور أني أرى العدد يعني الكثير الذين يحضرون ويشاركون هذه الغرفة المباركة إن شاء الله ليتعلموا الفقه الصحيح والمنهج الصحيح وعلم الحديث وهذا والله فضل من الله لأن الإخوة في فرنسا وأخواتهم في حاجة ناس جدا إلى طلاب علم مثل الشيخ ابن تيمية أبي عبد الله ولا أن يحضروا مجالس إما جهال وإما أهل أهواء وبدع وقد كثر هذا فلذلك هذه الفرصة يعني عظيمة أن يفتح غرفة أخ كمثل أخ كأمثال الأخ أبي عبد الله ابن تيمية. Je disais que c'est une occasion très très bonne pour tous les frères et sœurs de France que notre frère ابن تيمية أبو عبد الله. والله cette absence كلها بارك الله فيك الله يبارك فيك لها عدة أسباب على plusieurs causes ومنها جعل